pense, mon n'a pas de sens. C'est l'intolérance qui mène la danse. Je ne vois pas pourquoi moi son excellence profiterait de moi comme si j'étais sa panse. Regarde la loi, elle a ses dépenses. Telles qu'elles soient, elles sont toujours dans l'urgence. Anticiper les cas, c'est pas en avance. Même les médias leur imposent une cadence. Conscience, agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de l'inconscience, changez-nous cette ambiance. Sauve le peuple de l'inconscience, agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de l'inconscience, changez-nous cette ambiance. Ouh. Dans l'intolérance, il n'y a qu'un seul chemin, celui de l'ignorance. Ouvre un peu les yeux, regarde devant toi. Ne vois-tu pas cette fois qu'il y a autre chose que ça? Tu sais, tous ces gens-là n'ont pas toujours eu de chance. Ils pensent comme ça, ils ne voient pas l'importance. À la couleur d'un gars, à son apparence, à son milieu social, à toutes ses divergences. Agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de la conscience, changez-nous cette ambiance. Sauve le peuple de la conscience, agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de la conscience, changez-nous cette ambiance. Si on ne fait pas quelque chose de tout de suite rapidement, je ne vois pas comment nous survivrons avec nos enfants. Agissons tout de suite, ne perdons pas une seconde. Je les sens déjà venir quelques kilomètres à la ronde. Agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de l'inconscience, changez-nous cette ambiance. Sauve le peuple de l'inconscience, agissez dans le bon sens. Sauve le peuple de l'inconscience, changez-nous cette ambiance. Oh. Merci beaucoup. Ok. Alors à savoir qu'il y a encore des groupes derrière nous, qui ont encore beaucoup de temps. Donc vous allez pouvoir passer la soirée toute là. Donc on va faire notre dernière chanson. Ok. Ça va? Moyen ?